Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec notre ami Simon Snake Boisvert. Évidemment, c'était la loterie du repêchage hier. Et Simon qui a parlé beaucoup de lui à TVA Sport, des 3-4 articles. Moi, monsieur, là, on parle avec la vedette. Salut Simon. Salut Danny. Simon, t'es grandi une vedette. TVA Sport a fait 3 reportages sur toi. Moi, ça me fait. D'abord, est-ce que c'est vrai que tu voudrais que le Canadien t'appelle? Ben certainement. OK, oui. Okay. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Je pense que j'aurais quelque chose à leur donner. Okay. Puis okay. Moi, j'aimerais ça. OK. Puis finalement, mais comment ça a venu les appels? Comment ça a venu les reportages? On a voulu faire. Parce que tu commences à être vraiment une notoriété publique, là, vraiment. Là, je sais que tu polarises beaucoup. J'imagine que c'est un peu pour ça que TVA Sport t'ont appelé. Bien, c'était la deuxième fois que je faisais une entrevue avec le journaliste. J'en avais fait une il y a 2 ans pendant le temps du confinement. Ouais. Puis je pense qu'il est revenu à la charge parce qu'il voulait avoir mon opinion sur le repêchage de cette année, puis faire une série probablement d'articles là-dessus. Si tu as remarqué, il y avait les espoirs du Canadien, il y avait les espoirs de la LNH, puis il y avait un autre article sur le fait que j'avais proposé mes services aux Canadiens. Parce que c'est quand même une nouvelle direction, alors... Okay. On ne sait jamais. OK. Simon, si on parlait un peu de la loterie hier, évidemment, le Canadien, je suis content que le Canadien soit peut-être qu'à sélectionner, j'aime autant qu'il sélectionne en tout premier. Shane Wright, est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Parce que beaucoup d'observateurs disent que Wright, c'est le joueur que tout le monde pense qu'il va être choisi, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur joueur. Bon. Peut-être qu'il ne sera pas le meilleur joueur, sauf que c'est jamais un cadeau empoisonné d'avoir le premier choix. Oui. Sauf qu'il y a certaines années où un premier choix va avoir plus de valeur qu'un autre. Ouais. Ce que je remarque cette année, c'est qu'à peu près dans le top 5, le rapport qualité-rente sélection ne serait peut-être pas au rendez-vous. Et je m'explique. Si on est en 2023, est-ce que Shane Wright est dans le top 5? Ah, là, c'est trop tôt pour le dire. OK. Mais c'est sûr que les joueurs qui vont être choisis cette année seront peut-être pas à la hauteur du rang de sélection des performances d'un joueur choisi à ce rang de sélection-là habituellement. Et ça, ça vaut pour le deuxième choix, le troisième choix, le quatrième choix. Ce qu'on appelle en anglais le value pick, je pense que la valeur commence à peu près rendue au sixième choix. Okay. Ce que j'entends, c'est que par valeur, c'est qu'un joueur, mettons, choisi sixième, va peut-être avoir une chance de surperformer son rang de sélection. Mais les chances que Shane Wright soit meilleur que la moyenne des premiers choix des 20 dernières années, ça, je ne pense pas. Okay. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon joueur. Il y a un aspect que j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'entrevues, Simon. Toi, tu en as fait plusieurs. Il y en a d'autres qui en ont fait. Mais personne ne parle de quelque chose, un impondérable que personne ne parle. Le premier choix, c'est le premier choix du Canadien à 42 ans. Imagine-toi. Mets-toi la pression que le jeune va avoir. Il faut être fort au deuxième étage. Là. C'est ce que je veux dire au deuxième étage. Oui, mais Shane Wright, je le connais pas personnellement, mais je ne suis pas trop inquiet parce que c'est un gars quand même qui, depuis plusieurs années, a cette pression-là. Okay. Dans le junior, il avait été un joueur exceptionnel de 15 ans. Et puis, tu sais, les feux de la rampe sont sur lui depuis longtemps. Mais c'est sûr que comparé le junior puis l'institution qu'est le Canadien de Montréal, c'est deux choses. Ouais. Mais je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Oui, les attentes vont être grandes, mais en même temps, le Canadien a fini dernier. Alors, je pense que les gens vont lui donner toute la chance possible de se faire valoir. Tu sais, les gens vont être derrière lui. Je le vois parce que la moindre petite remarque que je peux faire à son sujet me vaut une jolie d'insultes. Oh, mais ça, c'est pas... Mais, alors, je me dis que les gens veulent que Shane Wright réussisse. Fait que je pense qu'on va être très, très patient avec lui. Fait que je suis pas trop inquiet. Mais Cooley, tu sais, on parle beaucoup de Cooley, on parle beaucoup du Slovaque également, qui est un allié puissant, 6 pieds 4, 218 pieds. On parle des autres. T'aimes bien Connor Kiki, ce ne sera pas lui, définitivement. Là. Mais jamais on parle de cet aspect-là. C'est important. Il faut qu'on prenne en considération l'aspect mental du joueur, surtout à Montréal. Là. Il va arriver d'un jour. Oui, mais ça, tu sais quoi? Ça, ouais. C'est justement la tâche de Gorton, Hughes, Saint-Louis et compagnie. Okay. Ils vont l'interviewer. Ils vont interviewer les joueurs. Ils ont un personne de soutien, des psychologues. Ils vont avoir une idée. C'est sûr que le comportement de quelqu'un peut changer au fil des ans. Il y a des gens qui arrivent dans la Ligue nationale bien tranquille, puis 3 ans plus tard, ils sont sur le party. Ça, on ne le sait pas. Ça demeure des jeunes de 18 ans. Puis c'est ça qui est ça. Mais écoute, si tu commences à te poser une question là-dessus sur tous les joueurs. Non, mais l'aspect mental, là, je ne te parle pas du comportement, je te parle plus de l'aspect mental. Le gars va avec beaucoup de pression quand même. Fait qu'il faut qu'il soit quand même fort pour l'emprunt. Oui, en effet. Mais heureusement, Yannick Suzuki en avant de lui au centre. Ouais. Fait qu'on ne lui demandera pas d'être centre de premier trio comme on l'avait demandé à Alexandre Daigle ou comme on l'a demandé à Connor McDavid ou Austin Matthews qui arrivaient dans des situations vraiment terribles. Le Canadien a déjà un joueur de centre. Est-ce que fait que le COVID, il n'a quasiment pas joué l'année passée. Là. Ça l'a rentré en ligne de ça. Faut tu prends en considération aussi comparativement aux autres? Là, dans je l'ai pris en considération pour un certain temps, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a personne dans la Ligue de l'Ontario qui a joué l'an passé. Ouais. Alors, à un moment donné, on compare les joueurs de la Ligue de l'Ontario aux joueurs de la Ligue de l'Ontario. Puis, il y a des joueurs comme Wyatt Johnson qui a été choisi en première ronde par Dallas, qui a gagné le championnat des compteurs cette année. Mais lui non plus n'avait pas joué l'an passé. Ouais. Bon, alors, à un moment donné, moi, je trouve que je l'ai trouvé rouillé un peu chez Wright au mois de septembre, octobre, novembre. Mais j'ai laissé aller les choses. Et après les fêtes, on a vu qu'il a recommencé à redevenir lui-même. La seule chose, c'est que peut-être qu'en raison du fait qu'il y avait une très bonne saison à 15 ans, un âge où personne ne joue junior, peut-être que les attentes étaient trop élevées. T'sais, il y a quand même eu quoi, 94 points cette année? Il ouais. ne faut pas trop cracher là-dessus. Mais ce n'est pas un joueur dominant. Ben, c'est un Patrice Bergeron. C'est un Patrice Bergeron. Il compare beaucoup de Patrice Bergeron. Moi, je vais le prendre à Montréal. Il n'est pas aussi bon défensivement. Il n'est pas aussi bon défensivement? Non. OK. Non, okay. Il est correct défensivement. Il peut jouer sur le jeu de désavantage numérique. Okay. Mais les comparaisons avec Patrice Bergeron, pour le moment, je les trouve très exagérées. Très exagérées, OK. Okay. Ouais. Donc, ça devrait être lui le premier choix. Hey, Simon, puisque je t'ai. Stéphane Leroux a dit cette semaine, tu sais, Josué Roy, il a manqué quand même plusieurs. Il a manqué le repêchage de cette année par 5 semaines, je pense. Est-ce que si Josué Roy est le repêcheur de cette année, est-ce qu'il est dans les 10 premiers? Je ne pense pas. OK. Est-ce qu'il serait repêché beaucoup plus haut que première ronde? Monde? Certainement. Peut-être première ronde, peut-être fin première ronde. Okay. La préoccupation de Joshua Roy, il ne faut pas oublier, c'est que j'ai peut-être des doutes un peu sur sa vitesse d'exécution. Okay. Alors, la question est de savoir pour lui, est-ce que c'est un gars qui ralentit le jeu volontairement? Puis, il y a des joueurs comme ça qui le font. Et Evgeny Malkin le faisait. Leon Draisaitl aussi. Nick Suzuki le fait. Tu sais, c'est des joueurs qui ralentissent. Ou est-ce que c'est un joueur qui, finalement, la Ligue nationale va être trop vite pour lui? Ça, okay. on n'a pas la réponse. Ce que j'avais aimé, cependant, j'avais aimé Joshua Roy au camp d'entraînement l'an passé. OK. Alors, en ce moment, c'est. Ouais. Je te dirais que c'est pile ou face dans son cas. Je te dis pas oui, je te dis pas non. On va voir ce qui va arriver. Peut-être qu'idéalement, pour lui, ça serait de jouer à Laval l'an prochain, mais les règlements l'interdisent. Fait qu'on présume qu'il va retourner à Sherbrooke, mais je ne serais pas surpris peut-être que le Canadien, s'il y a un bon camp, lui donne un essai de quelques matchs avant de le retourner au junior. OK, ça va être intéressant. Il reste 2 points, je vais te parler. Canadien, on parle beaucoup de Shane Wright. Il y aura un choix de fin de première ronde. Devant le filet, c'est pas fort, la relève. C'est vraiment pas fort. Est-ce qu'il y a un gardien de but cette année qui pourrait être dominé? Non? Ou c'est mieux d'attendre l'année prochaine? Puis ou carrément rendu en 6-7e ronde. Ils ont beaucoup de choix. Là. Ils ont 12 ou 14 choix cette année. Là. À un moment donné, tu peux lancer des dards. De toute façon, les gardiens de but, on lance des dards tout le temps. Ouais, OK. À quelques exceptions près, là, les gardiens de but, c'est des boîtes à surprises. Alors, ça vaudrait peut-être la peine d'en repêcher une coupe, mais il n'y a pas personne en ce moment que je dis, lui, il faut que tu ailles le chercher. Tu sais, il n'y a pas de Spencer Knight, n'y a pas de Sébastien Cossa, Jesper Wallstedt, les gars qui ont été repêchés en première ronde des dernières années. OK, OK. Le Russe là, qui a été repêché à Nashville aussi, il y a Askarov. Oui, Askarov, qui est rendu dans la Ligue américaine en ce moment. OK. Dis-moi, les gardiens de but, il y a eu un rapport qui a été émis l'année passée là, sur le hockey, l'année du hockey. Selon toi, Marcel, au début des années 2000, il y a eu Patrick Roy, il y a eu la suite Martin Brodeur, il y a eu Marc-André Fleury, il y a eu Jimmy Waite, il y a eu plusieurs gardiens de but. Marcel, on n'est même plus capable de. C'est qui est arrivé? Écoute, c'est une bonne question parce que, personnellement, je vais te répondre un petit peu à l'aveuglette parce que je ne suis pas impliqué dans le hockey mineur. Tu sais, tu comprends le pee-wee, la tombe, ces choses-là. Ouais. Mais je te dirais une chose, il y a des tendances qui se font. Après Patrick Roy, il y a beaucoup de jeunes qui se sont dit, ça a valorisé la position de gardien de but. Quand j'ai 56 ans, quand j'étais jeune dans les années 70, le gardien de but, on mettait dans les buts le gars qui patinait le moins bien. Ouais. Ou des fois, un petit gars peut-être qui était un petit peu plus grassouillet ou peu importe. Tu sais, c'était un peu une position négligée. Patrick Roy, lui, il a valorisé la position. Ouais. Alors, il y a des jeunes comme Marc-André Fleury, qui est né en 84, qui lui, ben, s'est probablement dit quand il avait 6 ans, 7 ans, moi, je vais être gardien de but. Ouais, alors, mais les jeunes, par la suite, tu sais, José Théodore, ça a quand même fait une belle carrière. Oui, il y en a eu beaucoup. Ouais. Mais après ça, je ne sais pas, peut-être que c'est l'attrait. C'est peut-être l'attrait de marquer des buts. Tu sais, comme je t'ai dit, je ne suis pas impliqué dans leur séminaire, mais j'en vois des fois parce que j'ai des amis qui ont des enfants là-dedans. Puis là, tous les jeunes veulent faire le Michigan. OK. Depuis que Trevor Zegras a fait ça. OK. Alors, je pense qu'il y a un peu l'idée que marquer des buts, déjouer des joueurs, ça, c'est bien sexy. Alors que le gardien de but, c'est une position peut-être qui est moins valorisée. Je pense qu'il y a des cycles là-dedans. Mais je ne peux pas vraiment l'expliquer scientifiquement. Simon, très intéressant. On continue à te suivre sur les médias sociaux. 91.9, ta chronique à tous les mercredis, toujours très intéressante. Tu vas sûrement être dans plusieurs podcasts également parce que j'ai l'impression que Shane Wright, il va avoir à peu près 3000 articles qui vont être écrits dessus. C'est ça qui est terrible. Ça va être le zoo. Là. Fait que le gars, il faut que c'est fort mentalement. On va s'en parler de repêchage. Salut, Danny. C'est Simon Boisvert qui est le spécialiste du repêchage.